La chronique cinéma. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais ? Tu deviens complètement con ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin ! Lutin, malin, pestil ! Waouh ! Je la veux encore ! Ça ne doit plus arriver ! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver ! Là, c'est... Franchement ! Voilà. Ici Hubert Félix Typhon, vous écoutez Radio Bonbon. C'est à moi, c'est à moi. Je suis Marraine la bonne fée. Bonbon, bonne conne, chers amis auditeurices, bonjour à tous et bienvenue dans la chronique cinéma d'Hubert Félix Typhon. Aujourd'hui, focus sur le cinéma indépendant américain avec trois grands réalisateurs aux styles très différents, mais qui ont tous en commun une chose, être des auteurs à part entière et voler de leurs propres ailes. En effet, leurs premiers films ont tous été auto ou peu financés. Je vous ne fais pas attendre plus longtemps. En numéro 1, je vous suggère de voir les films de Jeff Nichols. Il en a 5 à son actif. Shotgun Stories en 2007, Take Shelter en 2011, Mud sur les rives du Mississippi en 2012, Midnight Special et Loving en 2016. Tous ces films mettent en scène l'immense acteur Michael Shannon. Petite préférence pour Take Shelter, un film angoissant dans lequel Michael Shannon joue Curtis, un père de famille terrorisé à l'idée qu'une tornade les terrasse tous. Il fait des cauchemars apocalyptiques et, en proie à ses psychoses, décide de protéger sa famille en construisant un bunker dans lequel il pourrait se cacher. La tension dramatique est tellement bien menée qu'on ne sait où se positionner. Curtis est-il prévenant ou juste totalement timbré ? Le travail sonore est également incroyable et nous plonge dans une ambiance claustrophobique. Peut-être qu'après ce film, votre confinement vous paraîtra trop mignon. Je vous laisse écouter un petit morceau de l'impeccable BO. En numéro 2, cap sur les films de Greg Araki. Pas trop besoin de vous le présenter, il est l'auteur de Doom Generation en 95, Nowhere en 97 et Splendor en 99. Et bien sûr le notable Mysterious Skin en 2004, dans lequel Joseph Gordon-Levitt était tout jeune, ou encore le délirant Smiley Face en 2007 avec Anna Faris. Mais le film qui m'aura le plus marqué, c'est Kaboom. Découvert au cinéma en 2010, je me suis pris une sacrée claque dans la gueule. Un film qui mélange moult genres, bromance érotique, teen movie, thriller, science-fiction, au ton édulcoré, un rythme diabolique. Et électrique. Bref, impossible de résumer l'histoire, voyez-le ou revoyez-le, bordello. Et pour finir, un dernier mais pas des moindres, le grand John Cassavetes. Lui non plus on ne le présente plus, mais comment ne pas mentionner le king du cinéma indépendant dans cette chronique ? Et si jamais vous ne connaissez pas sa filmographie, vous êtes un sacré petit vénard. Oh yeah ! Maître de l'improvisation, Cassavetes filme au plus près de ses personnages et place l'acteur au cœur de son travail, faisant presque de lui un co-metteur en scène de ses films. Il a beaucoup fait jouer Jenna Rollins, son épouse, incroyable actrice, qui a su livrer de véritables performances. Je vous invite donc à découvrir tous ses films, mes préférés restent Une femme sous influence en 1974 et Opening Night en 77, tous les deux avec Jenna Rollins du grand cinéma. Oh yeah! Avant de nous quitter, je vous propose un petit jeu concours. Donnez-moi une citation de film en remplaçant un mot de la phrase par le mot boudin. Exemple, tu es un boudin, Harry. Je suis un quoi? Un boudin. Et un sacré beau boudin. Petit clin d'œil à la zouzoute fervente pratiquante de ce jeu, Kenza ne me déçoit pas. Le gagnant sera l'auteur de la phrase qui me fera le plus rire et gagnera un jingle dédicace avec son nom dedans pour la radio des bons cons. Oh yeah! Je vous donne rendez-vous demain pour une autre chronique cinéma. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, pratiquez une activité sportive et physique régulière. Nota bene, l'humour est une activité sportive et physique régulière. Et restez branchés sur Radio Boncon, la radio des Boncons. La chronique cinéma. C'est pas parfait. Est-ce que c'est fait? Tu deviens complètement con ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin... Lutin, malin, pestil. Je la veux encore! Ça ne doit plus arriver! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver! Franchement!